Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortunéo.fr. France Inter. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, Alain Carignon, un ministre en prison. Le 17 juillet 1994, Alain Carignon, alors ministre de la Communication du gouvernement Balladur et maire de Grenoble, démissionne de ses fonctions au sein du gouvernement. Moins d'une semaine plus tard, il est mis en examen pour abus et recel de biens sociaux. Trois mois plus tard, il est incarcéré et passera au final 29 mois en prison. Fait rarissime encore aujourd'hui. Il s'agit d'ailleurs de la plus longue détention pour un ancien ministre. Aussi, à la vitesse de l'éclair, la vie de l'un des fils les plus prometteurs de la machine politique bascule, son nom devient et restera celui d'une affaire, l'affaire Carignon. En moins de 3 mois, la mécanique Carignon, pourtant si bien huilée, s'enraye et s'écroule pour révéler l'histoire d'un homme qui s'est fourvoyé autant sur l'étendue des privilèges que lui conférait sa fonction que sur l'indulgence de son époque pour la classe politique. Trahison, corruption, pouvoir, conflit d'intérêts, subornation de témoins, l'affaire Carignon réunit tous les ingrédients de l'affaire politico-judiciaire classique des années 90. Notre invité aujourd'hui, Philippe Courroy, avocat général à la Cour d'appel de Paris depuis 2012. Il a été le juge d'instruction en charge du dossier Carignon. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Le mardi 11 octobre 1994 au soir, deux équipes de policiers munies d'un mandat d'amener fraîchement approuvé partent à la recherche d'un homme mis en examen pour abus de biens sociaux et corruption. Ils ont pour mission de le localiser et de l'interpeller discrètement, rapidement. Le juge a été clair. L'arrestation doit avoir lieu le plus tôt possible, au petit matin et sans bavure. Pas question d'attirer l'attention, le sujet est bien trop sensible. Au regard des informations que les enquêteurs détiennent, l'individu recherché dispose de deux adresses. L'une à Paris, l'autre à Grenoble. Une équipe de policiers est envoyée à chacune d'entre elles. Les enquêteurs arrivent dans l'Isère en début de soirée. Quand il frappe à la porte d'un appartement cossu, il tombe sur une femme, grande, brune, élégante. Elle s'éclipse quelques secondes sous un faux prétexte et a tout juste le temps d'appeler son mari au téléphone pour lui dire « La police est à côté de moi, elle te cherche ». Sa vie vient de basculer en même temps que celle de son époux. Ce dernier comprend-il à ce moment précis ce qui est en train de se jouer? Sûrement pas. Et cet homme, c'est Alain Carignon. Il y a quelques semaines encore, il était ministre. Nous sommes le 12 octobre 1994. Il est désormais matricule 49230. À la fin des années 80, Alain Carignon fait figure de petit prodige de la politique. Du type de ceux qui n'étaient a priori pas destinés à cette carrière et dont, a priori encore, on n'attendait pas grand-chose. Dès le départ d'ailleurs, il n'a pas dans son jeu les cartes classiques d'un bon politique. Il sort rapidement du système scolaire, après le collège, faute de résultats assez satisfaisants, mais peu importe. Le jeune homme n'a pas peur de l'adversité, au contraire. Alors il apprend, autrement. Il se forme de son côté, autodidacte, énergique au possible. Ce n'est pas tant une question d'ambition que d'action. Alain Carignon est dans l'action, toujours. Il obtient un diplôme de gestion des entreprises et devient directeur adjoint de la Chambre du commerce et de l'industrie de Grenoble. Il ne fait pas partie du réseau huppé des élites politiques. Peu importe, il sera du côté des entrepreneurs, de ceux qui font, du côté des patrons et de l'argent aussi. Il est loyal, mais indépendant. Président du mouvement des jeunes gaullistes à 19 ans, il intègre le RPR, dont il se fait exclure une première fois par indiscipline, parce qu'il a préféré Chaban-Delmas à Giscard d'Estaing pour la présidentielle, ce qui d'ailleurs, pour un gaulliste, est normal. Mais bon, en 1974, le parti a préféré soutenir le candidat UDF. Carignon n'a pas peur, il ose. À 27 ans, il devient conseiller général de l'Isère et en 1983, à 34 ans seulement, il surprend tout le monde en décrochant la mairie de Grenoble, sa ville. Même si pour lui, ce scénario devait arriver, comme il le raconte sur Antenne 2 le lendemain de son élection. Localement, cette victoire est moins surprenante, compte tenu des problèmes locaux que nous avons soulignés pendant la campagne électorale. Et puis je crois que c'est aussi la victoire d'une opposition renouvelée, ouverte, unie. Et Grenoble, qui a longtemps été la vitrine du Parti Socialiste, sera probablement demain une vitrine de la nouvelle opposition. Quoi qu'il en dise, cette victoire en terrain socialiste sur le charismatique Hubert Dubedoux n'est pas ordinaire. Non, elle propulse le jeune homme sur le devant de la scène politique. Avec Michel Noir et François Léotard, il fait partie de la bande des rénovateurs de la droite, comme on les appelle. Ils sont jeunes, insolents, intelligents, avec des gueules et des profils qui rafraîchissent un parti vieillissant. Jacques Chirac se méfie, les médias adorent. Carignon enchaîne les succès. Il arrache le conseil général de l'Isère à Louis Mermaz, proche de François Mitterrand, en 1985, et se fait élire député moins d'un an plus tard. Et ce n'est pas fini. Vient dans la foulée une consécration, nationale cette fois. Il entre, à 37 ans seulement, dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac et obtient le ministère dédié à l'environnement. À ce moment-là, Alain Carignon est partout. Il enchaîne ou cumule les mandats, comme il est de bon ton à cette époque, avec un ancrage local très fort et une visibilité grandissante sur la scène française, avec ce qu'il croit être un atout, sa jeunesse, qu'il met constamment en avant. Comme à l'occasion de la réalisation d'un clip vidéo, technique de communication assez moderne pour l'époque, dans lequel il présente l'association Avenir qu'il a imaginée avec d'autres jeunes loups du RPR. Initiative reprise dans tous les médias, dont France 2. Ce coup de sonnette pour une image à ne pas manquer, les clips vidéo sont à la mode, vous le savez. Eh bien, les jeunes ministres du RPR se sont fait mettre en image un clip qui n'a pas encore le droit de passer à la télévision, mais qui sera présenté dans les meetings et les rassemblements. Henri Elie. Ils sont donc 5 et 5 jeunes qui ont décidé de constituer une association, l'Avenir Entrée Libre. Selon eux, contre les poids lourds du gouvernement, il fallait qu'ils fassent entendre leur voix, sans pour autant vouloir créer un clan, imiter quiconque. Pour une équipe souhaitant, en dehors des circuits officiels, occuper le terrain politique. Il s'agit d'utiliser les moyens modernes de communication pour écouter, mieux comprendre. Je dirais que, en particulier à l'égard des jeunes, parce que avoir des réponses à tout, ce n'est pas être adulte, c'est être vieux. Et vieux Alain Carignon compte bien montrer qu'il ne l'est pas. Surtout à l'occasion de sa campagne de réélection pour les municipales de 89. Grenoble, c'est la clé de voûte du système Carignon. Ministre ou pas, il a besoin de la légitimité démocratique que confère le suffrage universel. Mais comme toujours, l'homme est confiant. Il n'a pour le moment essuyé aucun échec dans ses campagnes et il connaît par cœur les rouages du pouvoir de sa région. Un ancien collègue du RPR dira de lui, c'était le patron de l'Isère, tout passait par lui. Et c'est bien en tant que patron du département, justement, que Carignon décide de lancer en octobre 88, puis en janvier 89, deux journaux à destination des Grenoblois, un mensuel et un bi-hebdomadaire intitulé Dauphiné News et News mardi-vendredi. Dirigé par Frédéric Moujol, ancien rédacteur en chef du journal municipal, proche de Carignon, ces magazines sont présentés comme de nouveaux produits d'information privés, je cite, ayant pour objectif de tracer les voies simples et vraies du réalisme de l'information en réhabilitant le journalisme du voisinage et de la convivialité, à faire rougir toutes les écoles de journalisme. À ceci près que ce nouveau journalisme, présenté comme tellement novateur, moderne, n'est autre que du publi-reportage à la solde d'un homme plénipotentiaire, Carignon. Ses actions, ses objectifs, les célébrités locales qui le soutiennent. Ses opposants trouvent la bonne formule pour définir ces magazines, les Carignews. Ce qui ne trouble pas l'intéressé, genre les chiens à bois, la caravane passe. Oui, pour l'instant. D'ailleurs, pourquoi changer? La méthode Carignon fonctionne. Il est réélu dès le premier tour et tacle l'opposition dès l'annonce des résultats sur Antenne 2. Le résultat de ce soir me va droit au cœur parce que c'est Grenoble qui a gagné. Je souhaite aussi, et je voudrais le dire à vous tous, qu'avec le recul du temps, la nouvelle opposition municipale sache retrouver l'état d'esprit qu'elle n'aurait jamais dû perdre, même fût-ce l'instant d'une campagne électorale. C'est le vœu que je formule au début de ce nouveau mandat. Merci à tous. Avec cette réélection, Alain Carignon se sent plus confiant que jamais. Il prend immédiatement plusieurs mesures qui décoiffent. En juillet 89 notamment, il confie la gestion des eaux de Grenoble à une société privée, la Cogèse, filiale de la Lyonnaise des Eaux et du groupe Merlin. Et c'est peu dire que cette décision est une surprise. La question de la privatisation des eaux n'avait jamais été abordée avant l'élection. Surtout que depuis les années 60, d'importants investissements avaient été réalisés par la municipalité, modernisant les réseaux et faisant de l'eau de Grenoble l'une des plus pures de France. Pour l'opposition, cette concession bradée au privé ne passe pas. Grève du personnel, pétition, manifestation. Mais comme d'habitude, Alain Carignon ne s'en inquiète pas. D'ailleurs, en cet été 89, il ne semble pas s'inquiéter non plus du déficit financier abyssal, près de 12 millions de francs laissés par le groupe de presse du Dauphiné News. Des magazines qui ont cessé de paraître juste après son élection. Mais peut-être sait-il déjà que le groupe de presse, malgré son absence d'activité et l'ampleur de sa dette, est sur le point d'être racheté et renfloué. En effet, en septembre 89, quelques mois après la privatisation de l'eau à Grenoble, le groupe de presse est vendu à la Cerecom, entreprise qui va discrètement éponger le déficit du groupe de presse avant de le liquider. Or, cette entreprise énigmatique n'est autre qu'une filiale d'un groupe qui lui est bien connu, la Lyonnaise des Eaux. Personne ne semble alors faire le moindre rapprochement entre le rachat du Dauphiné News et l'attribution du marché de l'eau. Et Carignon poursuit, sans s'inquiéter, son ascension politique. Il n'a pas conscience, à ce moment-là, que le ciel est en train de s'obscurcir pour la classe politique en général et pour lui en particulier. En effet, le 5 novembre 91, un peu plus de deux ans après la réélection de Carignon à Grenoble, une mystérieuse lettre anonyme arrive au tribunal de Grenoble, invitant le procureur à s'intéresser de plus près aux conditions entourant le rachat du Dauphiné News. Six mois plus tard, une enquête préliminaire est confiée au CRPJ de Lyon. SRPJ. Ensuite, ce dossier, qui n'en est pas encore un, semble se perdre dans les couloirs de l'institution judiciaire. Il est vrai que la justice est alors occupée par le début de ce qui constituera le premier vrai scandale politico-financier de la 5e, l'affaire Botton-Noir, du nom du maire de Lyon de l'époque, qui vient d'être mise en examen, comme on l'explique alors sur France Inter. En marge des législatives à Lyon, on n'a pas fini de parler de l'affaire Botton. À peine réélu député, le maire de Lyon, Michel Noir, pourrait être mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Le procureur de la République a au moins eu la délicatesse d'attendre que les élections soient terminées pour signer son réquisitoire supplétif. Au-delà des faits, la mise en examen de Michel Noir, maire de Lyon, à qui tout semblait réussir, démontre que l'époque de l'impunité politique est terminée, ou en voie d'être terminée. La tolérance de la population et de la justice vis-à-vis des écarts des dirigeants politiques diminue effectivement à partir de la fin des années 80. L'euphorie des Trente Glorieuses est passée, on ne dépense plus l'argent public comme avant, faute de ressources, bref, il va falloir apprendre à rendre des comptes. Or, Alain Carignon ne sent pas ce vent tourner. Et l'emprise du patron de l'Isère continue de s'étendre dans les plus hautes sphères du pouvoir. Si bien qu'après Jacques Chirac, c'est Édouard Balladur qui, en 1993, le réclame. Alain Carignon devient ministre de la Communication du second gouvernement de cohabitation. En fait, les choses se compliquent quand, quelques mois après sa nomination, l'histoire de la lettre anonyme qui semblait avoir été oubliée refait surface. L'enquête préliminaire semble avoir débouché sur quelque chose. La preuve. Le 7 février 1994, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Lyon autour de la question du rachat et du renflouement du groupe de presse Dauphiné News, le groupe lancé par Carignon juste avant sa campagne, souvenez-vous. L'information fait la une du JT de 20h sur France 2. Le procureur de la République de Lyon a ouvert une information judiciaire contre X, l'objet de cette décision, le rachat par la Lyonnaise des Eaux d'une publication grenobloise lors de la campagne municipale de 89, Michel Fignes. Lancé à quelques mois des élections municipales de 1989, News et Dauphiné News disparaîtront des kiosques quelques semaines après. La société éditrice laissera un passif de 12 millions de francs. En 1990, c'est la surprise. Sérécom, filiale de la Lyonnaise des Eaux, rachète la société et éponge le passif. Dans quelles conditions? C'est ce que voudrait savoir aujourd'hui la justice. Et c'est le juge Philippe Courroy qui va instruire le dossier. Aïe, on le connaît, il est le tombeur de l'ancien maire de Lyon, Michel Noir. Philippe Courroy, un nom qui commence à se murmurer avec crainte dans les arcanes du pouvoir. Au départ, le magistrat cherche d'abord à comprendre pourquoi une filiale de la Lyonnaise des Eaux a-t-elle décidé d'investir dans un petit groupe de presse qui ne publie plus et qui présente un déficit gigantesque. Et tout ça pour procéder à sa liquidation quelques mois plus tard, ce qui, évidemment, échappe à toute logique économique. Et puis, pourquoi procéder via plusieurs entreprises filiales créées pour l'occasion? C'est comme si on essayait de brouiller les pistes. Peut-être pour éviter que l'on fasse le rapprochement entre la holding de presse et l'attribution du marché de l'eau. Manœuvre qui aurait pu constituer une raison suffisante pour la Lyonnaise de racheter de petits magazines déficitaires. En tout cas, tout cela met la puce à l'oreille du juge, qui bien sûr auditionne les acteurs principaux de cette intrigue. Frédéric Moujol, ancien dirigeant et rédacteur en chef du Dauphiné News, Jean-Jacques Prompsy et Louis Béra, PDG des filiales de la Lyonnaise des Eaux, qui a racheté le groupe de presse, et Marc-Michel Merlin, PDG du groupe du même nom, ainsi que l'une de ses filiales, la Cogèse, détenue à 50% par la Lyonnaise et qui a obtenu le marché de l'eau de Grenoble en 1989. Vous suivrez, j'espère. Retenons simplement que Marc-Michel Merlin n'en est pas à sa première rencontre avec le juge Courroy, puisqu'il est aussi poursuivi dans le cadre de l'affaire Boton Noir, évoquée tout à l'heure dans ce récit. Merlin a vu le magistrat à l'œuvre. Alors il décide de raconter ce qu'il sait. Et ses confidences changent la donne pour l'enquête. Il reconnaît d'abord avoir injecté de l'argent dans le groupe de presse pour obtenir la gestion du marché de l'eau, marché qui n'a donc pas été attribué par une procédure d'appel d'offres, et surtout... Il explique qu'un homme lui a expressément demandé de le faire. Et cet homme, c'est Alain Carignon. We'll be right back. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Entre mars et juin 1994, les mises en examen concernant le rachat et le renflouement du groupe de presse Dauphiné News lancé par Carignon s'enchaînent. Promsy, Béra, Moujol, Merlin et Carignon, ils y passent tous. C'est la pierre angulaire de ce système obscur qui se retrouve ainsi dans les filets de la justice. Et son plus gros poisson, c'est évidemment Carignon qui va devoir s'expliquer. Et il le sait. Alors, il préfère prendre les devants. Pour éviter l'humiliation publique, il démissionne le 17 juillet 1994, quelques jours avant sa mise en examen. C'est un choix moral. Finalement, je suis cité dans une procédure qui est en cours. Et à un moment ou à un autre, je serai convoqué, je serai entendu sur ce dossier. Alors mon devoir, c'est en aucun cas de gêner l'action du gouvernement. Alors, pour m'expliquer, il faut que je redevienne un citoyen comme les autres. Enfin, pas tout à fait un citoyen comme les autres, parce que j'ai plus de devoirs que de droits. Mais il le faut, parce qu'autrement, le tohu-bohu d'un membre du gouvernement en exercice, convoqué chez un juge, quelle qu'en soit la raison, serait telle qu'il pourrait gêner l'action du gouvernement. Quelques jours après sa démission, ce citoyen, presque comme les autres, est mis en examen pour recel et complicité d'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, c'est le fait pour un dirigeant d'entreprise d'utiliser les biens ou l'argent de sa société à des fins personnelles. Alain Carignon est donc soupçonné d'avoir été complice ou d'avoir bénéficié de ces abus. Mais l'ancien ministre se défend à la fois d'avoir joué un rôle de dirigeant dans la holding de presse et d'avoir accordé le marché à la Lyonnaise en échange de l'épurement des dettes. Étrangement, Alain Carignon est confiant. D'ailleurs, il ne se retire pas de la mairie de Grenoble. Il continue à croire en sa bonne étoile, celle qui l'a toujours amené là où il voulait être. Et puis surtout, à ce moment-là, on ne parle que de recel de biens sociaux, pas de corruption. Ce qui soulage et rassure peut-être l'ancien ministre. Car la corruption, contrairement au recel d'abus de biens sociaux, aurait pu l'envoyer en prison. Le problème, c'est que la corruption va progressivement constituer le cœur des investigations. Pour Philippe Courroy, la question est finalement assez simple. Est-ce que Alain Carignon n'aurait pas obtenu d'autres avantages, financiers ou matériels, liés à l'attribution du marché de l'eau à la Lyonnaise? Et c'est là que le magistrat décide de s'intéresser à un autre personnage de l'intrigue, Jean-Louis Dutarey. Cet homme que certains surnomment Mazarin pour son côté éminence grise, est un avocat de renom et un conseiller intime de Carignon. Il crée la WIP, une société de conseil, quelques années auparavant. Et s'il place sa sœur à la tête de l'entreprise, c'est bien lui qui tire les ficelles. Et voilà ce que l'enquête révèle. Depuis 1988, la WIP reçoit des honoraires de la part de la Lyonnaise des Eaux et du groupe des frères Pierre et Marc-Michel Merlin, ce même Marc-Michel qui a été mis en examen quelques mois plus tôt. Or, ces honoraires d'un montant total de 13 millions de francs ne correspondraient pas à de vraies factures, non. Cet argent semble ensuite utilisé à destination d'un seul homme, Alain Carignon. Des voyages en avion privé ou en hélicoptère, des voitures avec chauffeur, et même un appartement de 280 mètres carrés, boulevard Saint-Germain à Paris, occupé gracieusement avec l'accord du propriétaire, la société WIP. Voilà quelques-uns des cadeaux reçus par Carignon de la part de plusieurs entreprises via la WIP. En échange de faveurs, telles que l'obtention du marché de l'eau, par exemple. Quelles que soient les informations détenues par la justice, elles semblent suffisamment sérieuses pour qu'un mandat d'amené soit prononcé à l'encontre d'Alain Carignon et de Jean-Louis Dutarey. En effet, le 12 octobre 1994, la corruption est ajoutée au réquisitoire du juge d'instruction et les deux hommes sont interpellés et conduits directement devant Philippe Courroy. L'usage de ce procédé, rarissime, est notamment commenté sur France 3. Bonsoir, Alain Carignon et Jean-Louis Dutarey sont arrivés en urgence de Paris dans le bureau du juge Courroy en fin d'après-midi, après avoir été interpellés à leur domicile. Le juge lyonnais qui instruit le dossier Dauphiné News avait en effet lancé contre eux un mandat d'amener ce matin. Voyons ce que signifie ce crescendo judiciaire. Si le juge Courroy délivre aujourd'hui un mandat d'amener vis-à-vis d'Alain Carignon et Jean-Louis Dutarey, c'est qu'il dispose d'éléments nouveaux et graves. Le mandat d'amener est une procédure grave. Il s'agit de conduire les inculpés, au besoin par la force, devant le juge. Il faut donc de fortes présomptions, des charges supplémentaires pour justifier cette décision. L'étau se resserre donc sur les deux personnalités, déjà mises en examen, mais qui jouissaient encore jusque-là d'une certaine liberté d'action. Alain Carignon, comme Jean-Louis Dutarey, est placé en détention provisoire pour le reste de l'enquête. Et celle-ci parvient à déterminer avec davantage de précision la façon dont la chose, appelons-la escroquerie entre guillemets pour l'instant, aurait pu se mettre en place. Tout remonterait au samedi 3 octobre 1987. Ce jour-là, un déjeuner se déroule dans les bureaux du Conseil Général de l'Isère. Outre Alain Carignon, alors ministre de l'Environnement, sont présents Jean-Louis Dutarey, à l'époque chargé de mission auprès du ministre, le président de la Lyonnaise des Eaux pour la France, Marc-Michel Merlin, représentant le groupe Merlin, et Patrick Tulle, le directeur de cabinet du maire de Grenoble. Selon le magistrat, plusieurs éléments permettraient de démontrer que ce déjeuner n'avait qu'un but. Rapprocher la Lyonnaise du groupe Merlin afin d'imaginer la future filiale destinée à récupérer la gestion de l'eau de la ville. Et organiser les récompenses destinées à Alain Carignon. Les fruits des investigations permettent alors au réquisitoire des juges Courroy de viser un nouveau délit, la corruption. Et là, pour le ministre démissionnaire, le toujours maire de Grenoble, l'horizon s'assombrit sévèrement. D'ailleurs, l'instruction est close et la date du procès fixée, le 25 septembre 1995. Alain Carignon, libéré sous caution en mai 1995, après avoir passé 7 mois en détention, apparaît donc libre et présumé innocent. France Inter, il est 8h. Le journal Gérard Courchet. Bonjour. Le procès de l'eau. Alain Carignon comparé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon, l'ancien maire RPR de Grenoble risque 10 ans de prison. Tout le procès tournera autour d'un pacte de corruption qui aurait permis à la Lyonnaise des Eaux d'obtenir le marché de la distribution et de l'assainissement de l'eau de Grenoble, et cela en échange de nombreux cadeaux au maire de la ville. Le procès de Lyon doit durer 2 semaines, Alain Carignon risque 10 ans de prison. Tout au long du procès, Alain Carignon va démentir les faits qui lui sont reprochés. Sur les 141 vols effectués entre 1984 et 1993, évalués à 2,5 millions de francs, il reconnaît 49 vols à des fins politiques et 2 voyages de loisirs, 2 de trop, regrette-t-il. Mais il s'insurge également contre le procédé qui revient à lui imputer un vol dès qu'un avion part de Grenoble. « Je n'utilise pas l'avion comme on utilise une voiture ou un vélo », s'exclame-t-il. Sur la question de l'appartement, propriété de WIP et occupé gracieusement par l'ancien ministre pendant des années, il s'indigne. « Je n'avais pas besoin de cet appartement. Mon problème à la fin d'année 87, c'était les échéances électorales, pas la recherche d'un appartement. » L'ancien ministre est persuadé d'être dans son bon droit. Il répète ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il ne s'est pas enrichi à travers l'attribution du marché de l'eau à la Lyonnaise, pas plus qu'il n'a pris un sou de la municipalité pour le mettre dans sa poche. Mais Marc-Michel Merlin ne raconte pas la même histoire. Lui explique qu'en septembre 87, l'appartement du boulevard Saint-Germain lui a été demandé par Alain Carignon en présence de Jean-Louis Dutarey. Il y avait 2 conditions. L'obtention du marché de l'eau de Grenoble et m'entendre avec la Lyonnaise sur un pacte d'actionnariat. Selon lui, Alain Carignon voulait cet appartement et Jean-Louis Dutarey a trouvé la solution la moins mauvaise, à savoir créer la WIP qui a acheté l'appart avec un prêt dont le remboursement aurait été réalisé avec des fausses factures. Vous suivez toujours. En tout cas, après 2 semaines de débat, l'ancien ministre sort blême du tribunal. Le parquet vient de requérir 4 à 5 ans d'emprisonnement à son encontre. Le jugement de la 6e chambre correctionnelle intervient le 16 novembre suivant. Alain Carignon n'a pas convaincu les juges de son innocence dans l'affaire du Dauphiné News. L'ancien maire de Grenoble a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, autrement dit 3 ans ferme, plus 400 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel. Le jugement rendu compte 137 pages. Alain Carignon est reconnu coupable d'avoir monnayé des avantages considérables en échange de la privatisation du service de l'eau de Grenoble. Les juges ont pratiquement suivi les réquisitions de l'avocat général et ils ont frappé fort, François Foucard. C'est une condamnation sévère parce qu'après tout, Alain Carignon jouait un qui-tout-double. Il espérait peut-être être lavé de l'accusation la plus grave, la corruption. Les attendus du tribunal sont sévères. La responsabilité d'Alain Carignon est bien plus grande que celle des corrupteurs actifs, ceux qui ont offert de l'argent, selon le tribunal. Il n'avait pas le droit de trahir la confiance des électeurs. Après la sentence, Alain Carignon dira « Je bascule dans la nuit. Je m'accroupis dans la position du fœtus, la tête dans les genoux. La vie m'a quitté. Il ne reste qu'une carcasse, repliée, là, sur ce banc, vide de sens, vide d'existence. C'est cela. Je n'ai plus de conscience. » Pour les médias, pour les personnalités politiques de l'époque, ce jugement signe la fin d'une vie publique de l'ex-ministre. D'autant plus qu'après sa première condamnation, il fait appel. Mauvaise pioche. Il récolte une condamnation plus lourde encore. 5 ans de prison, dont un avec sursis, ça fait 4 fermes au lieu de 3. 5 ans d'inéligibilité et 400 000 francs d'amende. Ensuite, il est immédiatement conduit à la prison de Villefranche-sur-Saône, dans laquelle il passera presque 2 ans. Ultime humiliation pour l'ancien ministre, on le place dans l'ancienne cellule d'un détenu tristement célèbre, celle de Klaus Barbie. Il ne pourra jamais revenir, il est foutu, pouvait-on se dire à l'époque. Et selon toute logique, c'est ce qui aurait dû se passer. Selon toute logique, oui, mais pas selon Alain Carignon. En mai 98, date de la sortie de prison de l'ancien ministre, une enveloppe parvient au siège du RPR. À l'intérieur, un bulletin d'adhésion et un chèque de cotisation. Carignon est en réalité déjà de retour. Peut-être n'est-il jamais vraiment parti. D'ailleurs, il a conservé quelques amis de son ancienne vie, au premier rang desquels un certain Nicolas Sarkozy, dont il est resté très proche. C'est lui qui va imposer son retour dans la sphère politique. Ainsi, en 2002, malgré les critiques, il fait de l'ancien détenu le nouveau président de l'UMP Isère. Oh, il ne s'agit pas d'un poste de ministre, mais quand même. L'homme, toujours pressé, sait se saisir de toutes les opportunités. Et quand 5 ans plus tard, en 2007, Carignon se présente avec l'UMP aux législatives, les réactions ne se font pas attendre. Il tente un retour en politique après ses déboires judiciaires, condamné à 5 ans de prison pour corruption dans les années 90. Il estime aujourd'hui que ses ambitions n'ont rien d'illégitime. Chacun a un passé, avec du positif, avec du négatif. Pour le négatif, j'ai payé, j'en ai tiré les conséquences. Mais apparemment, le passé d'Alain Carignon continue de susciter un certain rejet. En ayant fait ce qu'il a fait, je ne pensais pas qu'il revienne aussi vite et avec autant de sûreté en lui. Mais Alain Carignon n'écoute pas. La politique, c'est sa vie, c'est ce qui l'anime. Il n'empêche, il est battu au deuxième tour par son opposante socialiste qui obtient plus de 63% des voix. Pensait-il pouvoir retrouver aussi rapidement, aussi facilement le cœur de ses anciens administrés ? Le pardon semble plus complexe à obtenir qu'il ne l'imaginait. Et pourtant, il ne lâche rien. La rédemption viendra des urnes ou elle ne viendra pas. 10 ans plus tard, en 2019, il publie un ouvrage intitulé « Alain Carignon est un homme libre » et annonce sa candidature à Grenoble pour les municipales. Il l'a fait, il a osé. Les médias et les politiques n'en reviennent pas. Carignon lui-même l'admet. « Vouloir se faire élire à mon âge, dans une municipalité de gauche et avec mon passé judiciaire, il faut avouer que c'est drôle. » Drôle peut-être, naïf certainement, car sa défaite est sans appel. Il perd de 30 points face à Éric Piolle. La rédemption tant recherchée échappe une nouvelle fois à Alain Carignon, qui détient aujourd'hui encore, avec 29 mois, le record de l'emprisonnement le plus long pour un ancien ministre. Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. Me l'es-tu, vos blizzards, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser. Silence, mes avatars. Je passe sur tes frasques. M'ennubiler, pourquoi? Pour un vase estace. Loin du réconfort. Je passe de sas en sas. Et mes visites, ça se passe. Les élans me courent et m'entraînent vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort. Les ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Carignon. Notre invité, Philippe Courroy, bonjour. Bonjour. Avocat général à la Cour d'appel de Paris depuis 2012. Vous avez été, on l'a entendu pendant le récit, hein, le juge d'instruction en charge du dossier Carignon. D'abord, quel type de justiciable puissant était Alain Carignon? C'était à l'époque des faits un grand féodal régional. Puisque, comme vous avez rappelé sa carrière, ministre, président du Conseil Général, maire de Grenoble depuis 1983, donc c'était une personnalité locale importante. Et au moment où cette affaire survient, au moment où je la prends en charge, il est ministre de la Communication dans le gouvernement Balladur. C'est un des chevaux légers du gouvernement. Donc c'est une personnalité devenue nationale et qui n'est pas effectivement injusticiable tout à fait comme les autres. Et en tout cas... par rapport au droit commun que l'on peut traiter. Il décide de démissionner de son poste de ministre. À quel moment exactement? Alors, il prend les devants ou vous, autre chose? En fait, ce dossier sont des poupées russes parce que il y a au début une partie qui est assez circonscrite qui est Dauphiné News avec des abus de biens sociaux et des recels, et je vais mettre Alain Carignon le 25 juillet 94 en examen pour ces faits, mais qui sont circonscrit et déconnecté de tout aspect de la corruption. Donc qu'est-ce que j'avais fait au mois de juillet? Je lui avais téléphoné au ministère, je lui avais dit que je comptais le mettre en examen, et c'est là où il m'a dit bon ben je serai contraint de démissionner. Donc c'est vrai que dans votre reportage c'est un peu différent. vous passez une interview où il dit je démissionne et je m'attends à être convoqué. En réalité, il savait qu'il était convoqué au moment où il démissionne. C'est pour ça que je vous pose la question comme ça, on sait tout. Maintenant, commençons par cette fameuse lettre anonyme qui déclenche la procédure et qui lance toute l'affaire. Que disait-elle? Alors, en substance, une lettre, hein, évidemment. C'est une lettre anonyme qui est parvenue à Grenoble. D'abord. Au parquet de Grenoble. Le dossier n'arrivera au parquet de Lyon que beaucoup plus tard. Et l'information sera ouverte le 7 février 94. C'était, en fait, la problématique de l'illogique du rachat de Dauphiné News par des filiales de la Lyonnaise des Eaux. Donc là, on était sur de l'abus de biens sociaux et du recel, parce que ça n'avait absolument aucune logique que cette société rachète Dauphiné News. Et puis après, en tirant les fils, on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres avantages. Vous avez parlé de la société WIP et vous avez parlé de cet appartement du 286 boulevard Saint-Germain, qui était un vaste appartement à la fois domicile privé d'Alain Carignon et en même temps ses bureaux politiques, et qui était un peu le fil rouge de ce dossier. Donc vous aviez un certain nombre de contreparties, et ces contreparties, elles coloraient finalement la corruption. Et puis après, vous avez des gens qui ont parlé, mais les langues ne se sont pas déliées tout de suite. Et vous avez cité notamment Marc-Michel Merlin, oui, qui pendant longtemps est resté silencieux, notamment parce qu'il était défendu par le cabinet Dutarret et par Jean-Louis Dutarret, qui évidemment était plutôt là pour contrôler sa parole que de la libérer. Et après, Marc-Michel Merlin a très clairement parlé, a très clairement raconté comment Alain Carignon et son entourage, et notamment Alain Carignon, le maire de Grenoble, lui avait dit « si vous voulez le marché de l'eau, il faudra effectivement passer par la réalisation d'un certain nombre de mes demandes. » Ah ben oui. On reçoit quand même un magistrat, ou un procureur, oui, un magistrat, reçoit une lettre anonyme. C'est quand même un outil dont on se méfie, j'imagine, au départ. Oui, alors, dans le dossier, quand le dossier est arrivé sur mon bureau, il y avait cette lettre anonyme, et ensuite, il y avait eu beaucoup d'actes qui avaient été faits. Ça ne pouvait pas être que la lettre. Donc, il n'y avait pas que ça. Une lettre anonyme simple, j'allais dire, si elle n'est pas documentée, et si elle apparaît complètement fantaisiste, n'a aucun intérêt. Et puis, des lettres anonymes, il faut se méfier, parce qu'on peut en recevoir beaucoup, et ça peut servir justement à balader le juge. Donc, il faut être très, très rigoureux sur les lettres anonymes que l'on peut recevoir. Mais vous comprendrez bien que si on reçoit une lettre anonyme en disant qu'il y a une bombe dans la poubelle de telle école, on ne peut pas en faire fi. On ne va pas la balancer par terre au motif qu'elle n'est pas signée. Hein. Bien sûr. Où placez-vous le curseur entre recel d'abus de biens sociaux et corruption? Parce que là, on est au cœur de ce débat chez Carignon. Alors, la corruption, pour faire simple, c'est quoi? C'est le monnayage d'un acte de la fonction. C'est-à-dire que vous avez une attribution, vous avez un pouvoir, qui est par exemple celui d'attribuer à un délégataire un marché des eaux. C'est votre pouvoir politique, mais si vous touchez un certain nombre de contreparties, si vous recevez un certain nombre de contreparties pour passer cet acte est monnayé. C'est ça la corruption. Voilà. Donc on profite de sa fonction. C'est profiter de sa fonction en percevant quelque chose qui la monnaie. L'abus de biens sociaux et le recel, c'est autre chose. L'abus de biens sociaux, ça a trait à une société. Une société, c'est quoi? C'est une personne morale. Elle a notamment une trésorerie, et cette trésorerie, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Cette trésorerie, elle doit être utilisée dans l'intérêt de la société, et pas pour, par exemple, s'acheter des bijoux à titre personnel, etc. Donc, le receleur, c'est le bénéficiaire d'usage abusif des fonds sociaux qui n'auraient pas été utilisés conformément à l'intérêt de la société. Alors, il y a un troisième étage de l'édifice punitif et judiciaire, c'est l'enrichissement personnel. Peut y avoir corruption sans enrichissement personnel? Parce que pour Carignon, il n'y a pas un sou dans sa poche. Oui. Bon, alors, il bénéficie de bien des avantages matériels, on est d'accord. Mais il n'y a pas de sou dans sa poche. Cette notion d'enrichissement personnel est un peu une impasse, si vous voulez, dans les raisonnements. Si, en sortant de votre studio, je vais aller braquer une banque et que je vais affecter le produit du vol avec arme pour l'association des magistrats nécessiteux, il n'y aura pas d'enrichissement personnel. D'accord. Mais vous comprendrez bien que le crime existe. Là, c'est exactement pareil. Qu'il y ait enrichissement personnel, c'est-à-dire accroissement de son patrimoine ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ceci étant, vous observerez quand même que si je vous paye des voyages, si je vous paye des costumes, si je vous paye un appartement et que je prends en charge votre staff, il y a non-appauvrissement personnel, et le non-appauvrissement personnel équivaut bien à de l'enrichissement personnel. Non-appauvrissement personnel, c'est je le note. C'est un peu spécieux, si vous voulez, comme argument, mais le droit pénal ignore cette notion d'enrichissement personnel pour la qualification d'un délit. Bien, Philippe Courbois, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Georgia Smith et Dust Down, et on parlera du procès. Cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just wore smiling. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that, for so bad to feel nice. But she gon' handle that, it comes with a small price. Yeah, I give, I give, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids, two sides. Either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right. Top down, cause she worked hard for it. But blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, boy, she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this. Bust down, bust down, bust down, bust down, baby. Come round, come round, come round, come round, save me. Been round, been round, been up and down lately. Been up and down lately. They call me Miss Naive, Miss Naive. So trusting of everybody and anybody. Not if you're a bitch like me, cause of the bitch I be. I told you to be careful of me, be careful honey. They call me Miss Hype, I'm still naive. I put trust in all the ones that got me. They never really had me see. If you come fuck with me, be real with me. You got to be careful loving me, careful honey. Yeah, I'm gonna turn to it. What you see? You don't know what's that a beast here. Being no heat from nobody. You know heat from, me never heat from nobody. Philippe Courbois, justement, nous étions en train de parler de cela. Pourquoi cette mise en cellule, dans la cellule qu'avait occupée Klaus Barbie, ça paraît un peu mesquin quand même. Alors ça, j'ignore tout à fait, parce que c'est évidemment pas le juge d'instruction qui s'occupe de la cellule où sera placée la personne. Maintenant, Klaus Barbie avait été détenu dans ce qu'on appelait le bâtiment I, qui était le bâtiment des isolés. Et donc, je pense que compte tenu de l'intéressé, il était logique qu'il soit affecté au bâtiment I. Et ceci étant, la cellule de Barbie, c'était d'ailleurs trois cellules, avec un confort de vie, j'allais dire, qui était un peu plus, un peu amélioré par rapport aux cellules ordinaires. Mmh. Donc je suppose que ce sont les raisons pour lesquelles l'administration pénitentiaire de Lyon avait placé Alain Carignon là, mais c'est une chose dont je ne me suis pas évidemment occupé. Et on rappelle que quelles que soient les conditions de réclusion, c'est la privation de liberté, et même si ces gens-là sont dans des cellules un peu plus confortables, mais la liberté est privée quand même, c'est fini. Bien sûr. Donc ça reste quand même une peine de prison. Vous me parlez de la cellule de Barbie, il se trouve que je la connais très bien, parce que mon stage avant de devenir magistrat instructeur à Lyon, j'ai demandé à le faire comme surveillant à la prison Saint-Paul-Saint-Joseph. Ah oui. Et je me suis occupé notamment, j'ai passé de nombreuses heures avec Klaus Barbie dans cette cellule, ce qui fait que dans ces cellules, parce qu'il y avait une grande cellule, une cellule où il dormait et une cellule, une salle de bain, et donc je visualise très bien les lieux, si vous voulez. Oui, avec ce tunnel qui passe entre les deux prisons. Avec le tunnel qui passait entre les deux prisons. Voilà, j'ai l'occasion de la visiter. Tout à fait. Et également, quel est le regard que vous portez sur le procès? Façon dont il s'est déroulé, l'ambiance, l'atmosphère. Alors, comme vous le savez, le juge, il instruit le dossier. C'est vrai, il écrit la partition, j'allais dire. Et après, il ne s'occupe pas du procès, il n'y intervient pas. Il s'y intéresse. Il s'y intéresse. Oui. Alors, je m'y suis intéressé comme tout un chacun, comme vos auditeurs ou comme les lecteurs de journaux. Je pense que c'est un procès où, effectivement, Alain Carignon est resté dans un déni absolu. Déni qui était contredit par nombre d'éléments du dossier, et je pense que ça a été un système de défense qui a eu ses limites, puisqu'on voit les résultats, tant en première instance qu'en appel. Et en appel, vous avez rappelé qu'il avait eu une condamnation aggravée, 4 ans ferme au lieu de 3 en première instance. Alors, on a pas mal insisté là-dessus, sur ce point-là. Pendant le récit, nous sommes dans les années 90, et il semble que les temps changent par rapport aux hommes politiques, ce qu'ils ont droit de faire, ce qu'ils n'ont pas droit de faire, et ce que la justice peut faire, qu'elle pouvait peut-être pas faire avant. Est-ce que c'est un moment charnière ? Oui, je pense que c'est le milieu des années 90 a été, contraint et forcé, une prise de conscience pour un certain nombre de politiques qui auparavant croyaient que... tout était permis, ou qu'en tout cas la justice n'irait pas voir, et qu'elle ne pourrait pas voir. Et puis il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont montré le contraire. Vous avez rappelé l'affaire Noire, l'affaire Carignan, bien entendu. Je rappellerai qu'au mois d'octobre 94, au moment où Alain Carignan est incarcéré, je crois qu'il y a 3 ministres du gouvernement Balladur qui sont démissionnaires. Il doit y avoir Michel Roussin, qui est ministre de la Coopération, et Gérard Longuet, qui est ministre de l'Industrie et des Télécommunications, je crois. Donc, si vous voulez, l'illégal qui avait été longtemps toléré, ou pour lequel, finalement, cet illégal financier, la justice ne mettait pas tellement son nez, les temps avaient changé. Mmh. Et de ce fait, je pense que les politiques se sont rendus compte, et ils l'éprouvent aujourd'hui, j'allais dire presque tous les jours, que le pouvoir ne protège plus, mais qu'il expose, au contraire. Oui, oui. Alors, affaire Noire et Carillon, vous avez connu les deux, dans un contexte politique, en tant que juge, comment se débrouille-t-on avec tout ça, et les pressions qu'on peut imaginer de la part du pouvoir politique, qui n'en exerce jamais, hein, c'est bien connu, car ainsi va la séparation des pouvoirs, mais qui est parfois une vue de l'esprit. Non, des pressions, si vous voulez, des pressions politiques, il n'y en a pas. Vous avez des pressions par la nature du dossier que vous traitez, par la qualité des personnes qui sont dans ce dossier, c'est une évidence. Maintenant, dans le dossier Carignan, puisque vous évoquez le terme de pression, c'est quand même le premier, et à ma connaissance, le seul dossier politico-financier où j'ai vu autant de pression exercée sur les témoins, par notamment Alain Carignan et son entourage, que ce soit le secrétaire général de la mairie de Grenoble de l'époque qui s'appelait Patrick Tulle, le chauffeur d'Alain Carignan, les secrétaires, etc. Tous ces gens ont été amenés à revenir sur leur déclaration, puis ensuite, une fois qu'Alain Carignan était incarcéré, il a fallu malheureusement... Ah, c'est ça, donc la mise en détention provisoire, elle est justifiée par ça? Exactement. La mise en détention provisoire, on ne la comprendra pas si on n'intègre pas qu'Alain Carignan était dans un déni absolu et qu'il y avait ces vagues de rétractation. Je vais vous prendre l'exemple de Patrick Tulle, qui était secrétaire général de la mairie de Grenoble. Il est entendu par les enquêteurs le 1er juillet 1994. Il fait un certain nombre de déclarations, je le fais revenir le 13 juillet. Il faisait très chaud ce jour-là dans mon cabinet, mais il transpirait beaucoup, c'était à mon avis pas pour des raisons climatiques. Il fait un triple salto, et après l'incarcération d'Alain Carignan, il va m'envoyer un courrier en me disant qu'il a des révélations à faire, et il expliquera, il se livrera pour dire effectivement, pour décrire en fait tout le système auquel il avait assisté et qui était parfaitement en ligne avec les déclarations, les aveux de Marc-Michel Merlin. Donc vous voyez, il a fallu vraiment tous ces sauts d'obstacles et le dossier a été à cet égard extrêmement compliqué et je pense qu'il a fallu cette incarcération, c'est-à-dire cette mise à l'écart pour que la parole se libère. Bien, merci beaucoup Philippe Courroy pour toutes ces... précision pour cette affaire Carignan que vous avez instruite. Je la rappelle. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Alain Carignan en prison. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jenab Sangari.